J'ai voulu raconter d'autres vies que la mienne. Celle de gens pris dans la vague du tsunami de 2004. Celle de gens qui ont longtemps et très tôt cohabité avec le cancer. Celle de gens qui courent après les crédits sans savoir comment les rembourser. Celle de gens qui savent s'aimer. De gens qui, sans le savoir, parfois sans même connaître, m'ont guidé et éclairé dans le difficile métier de vivre. D'autres vies que la mienne, d'Emmanuel Carrère. Adaptation de François Cuel. 5e épisode. La fête d'anniversaire d'Aurélie n'était pas seulement une fête de jeunes. Il y avait ses amis à elle, mais aussi ses parents, des amis de ses parents, tous âges mêlés. Cela ne se passait pas le soir, mais l'après-midi, dans le jardin en fleurs. On avait répété un spectacle. Étienne devait chanter. Il a chanté. La douleur était telle qu'il s'appuyait sur des béquilles. Tout le monde autour de lui savait qu'il entrait en clinique le soir même et qu'on l'amputerait le lendemain. Vers 6 heures, il était allongé sous un arbre, la tête sur les genoux d'Aurélie, qui lui caressait les cheveux. Quelquefois, il levait les yeux vers son visage. Elle lui souriait, lui disait très bas « Je suis là, Étienne, je suis là ». Il refermait les yeux. Il avait un peu bu, pas beaucoup. Il écoutait la rumeur des conversations autour d'eux, le bourdonnement d'une guêpe, des portières de voitures qui claquaient dans la rue. Il était bien. Il aurait voulu que ce moment dure toujours, ou que la mort le prenne ainsi sans qu'il s'en rende compte. Puis son père est venu le chercher et a dit « Étienne, c'est l'heure d'y aller ». Encore aujourd'hui, il imagine ce qu'a représenté pour son père de devoir dire « Étienne, c'est l'heure d'y aller ». Cela semble insurmontable et pourtant il l'a fait. Ces mots ont été prononcés, ces gestes accomplis calmement. Mais au fond, dit-il, cela ne pouvait pas se faire autrement. Si pourtant, il aurait pu se mettre à hurler, à se débattre, à dire non, je ne veux pas, comme certains condamnés à mort quand on vient les chercher dans leur cellule, en leur disant exactement la même chose, c'est l'heure d'y aller. Mais non, on l'a aidé à se lever, et il s'est levé, voilà. Je me lève pour aller me faire amputer. Il a demandé aux siens d'être là au moment de son réveil, et ils sont là, tous là, autour de lui. Ses parents, son frère, ses sœurs et Aurélie. La première sensation, au sortir de l'anesthésie générale, c'est « je n'ai plus mal ». La tumeur comprimait le nerf, produisant une douleur qui, depuis plusieurs mois, était devenue insupportable. Il n'a plus mal, donc. Il ne sent rien, mais il voit. La forme de sa jambe droite étendue sous le drap, la forme de sa cuisse gauche et, à partir de là où il devrait y avoir un genou, le drap retombe. Il n'y a plus rien. L'année de chimiothérapie a été atroce. C'était des cures de 3 jours, une fois par mois, et pendant ces 3 jours, c'est simple, on n'arrêtait pas de vomir. 3 jours à vomir, alors qu'on n'a plus rien à vomir. Chaque fois, l'idée d'y retourner épouvantait Étienne. Il a demandé à ce qu'on l'abrutisse de médicaments. Sa mère était autorisée à venir et à lui tenir la cuvette, pas Aurélie. Il ne voulait pas qu'elle le voie comme ça. Aujourd'hui, 20 ans après, il le regrette. C'est même, dit-il, un des vrais regrets de sa vie. Aurélie voulait être auprès de lui. C'était sa place puisqu'elle l'aimait, et il ne l'a pas laissé occuper cette place. Il ne lui a pas fait confiance. En plus de le rendre horriblement malade, la chimiothérapie lui a, comme il le redoutait la première fois, fait perdre ses cheveux et ses poils. Presque tout est tombé, pas tout. Aurélie insistait pour qu'il rase le peu qui restait, mais il a refusé, garder quelques longues mèches qui le rendaient encore plus hideux. Elle lui reprochait d'en rajouter, non sans raison. Il se regardait nu dans le miroir. Cette chose maigre, blanche, glabre, sans jambes, c'était lui. Le jeune homme sportif qu'il était quelques mois plus tôt encore était devenu ce mutant. Aurélie a tenu bon presque un an, puis elle l'a quitté. Entre 22 et 28 ans, il est resté sans femme. Il avait commencé une psychothérapie après son premier cancer. Cela n'avait rien à voir, assure-t-il, avec la maladie dont il s'estimait alors guéri, non. Il s'y était engagé à cause de problèmes sexuels. Tout au long de ces années où Étienne a été élève à l'ENM à Bordeaux, puis magistrat dans le Nord, il prenait deux fois par semaine le train de Paris et n'a manqué aucune de ses séances. De cette expérience assidue, il a tiré, plus encore qu'une familiarité, une confiance quasi religieuse dans l'inconscient. J'imagine qu'il a beaucoup parlé de son cancer en analyse. Et pour dire les choses brutalement, cela m'étonne qu'avec une telle foi dans le pouvoir de l'inconscient, il se déclare à ce point hostile à toute interprétation psychosomatique du cancer. Là-dessus, il ne discute pas, il tire à vue. Les gens qui disent « ça vient de la tête » ou du stress ou d'un conflit psychique pas résolu, j'ai envie de les tuer. Et j'ai envie de les tuer aussi quand ils disent ce qui va avec. Tu t'en es sorti parce que tu t'es battu, parce que tu as eu du courage. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui se battent, qui sont très courageux et qui ne s'en sortent pas. Exemple Juliette. Il a dit cela dès le premier jour, celui de la rencontre avec la famille. Il l'a répété au cours de notre premier tête-à-tête, et j'ai fait à chaque fois comme si j'étais d'accord, mais la vérité est que je ne suis pas certain d'être d'accord. Bien sûr, je n'ai ni théorie ni autorité pour en avoir sur une question aussi controversée et d'ailleurs intranchable. M'exprimant à ce sujet, je sais que je ne dis rien sur l'étiologie du cancer, mais au mieux quelque chose sur moi, que voici. D'une part, intuitivement, je pense que non, le cancer n'est pas une maladie qui vous tombe dessus de l'extérieur, par hasard. En tout cas pas toujours, pas forcément. D'autre part, et surtout, je pense qu'Étienne, au fond de lui, ne le pense pas non plus. Ou qu'il prétend le penser avec trop de véhémence pour que ce ne soit pas une défense. J'ai relu « Mars » de Fritz Zorn, qui m'a, comme tant de lecteurs, bouleversé lors de sa parution en 1979. En voici les premières phrases. « Je suis jeune, riche et cultivé, et je suis malheureux, névrosé et seul. J'ai eu une éducation bourgeoise, et j'ai été sage toute ma vie. Naturellement, j'ai aussi le cancer, ce qui va de soi si l'on en juge d'après ce que je viens de dire. Cela dit, la question du cancer se présente d'une double manière. D'une part, c'est une maladie du corps, dont il est bien probable que je mourrai prochainement, mais peut-être aussi puis-je la vaincre et survivre. D'autre part, c'est une maladie de l'âme, dont je ne puis dire qu'une chose, c'est une chance qu'elle se soit enfin déclarée. Et voici la dernière. Je me déclare en état de guerre totale. Cela paraît trop beau, mais c'est vrai. Zorn, qui veut dire colère, est un pseudonyme. Le vrai nom de l'auteur était Angst, qui veut dire angoisse. Entre ces deux noms, entre ces deux phrases, ce jeune patricien docile, aliéné, éduqué à mort, comme il dit, est devenu à la fois un rebelle et un homme libre. La maladie, l'approche terrifiante de la mort, lui ont appris qui il était. Et savoir qui on est, Étienne dirait plutôt où on est, cela s'appelle être guéri de la névrose. Je n'ai pas cessé de penser, relisant Mars, à la vie qui aurait été celle de Fritz Zorn s'il avait survécu, à l'homme accompli qu'il aurait pu devenir s'il lui avait été donné de jouir de cet élargissement de la conscience qu'il avait payé tellement cher. Et j'ai pensé que cet homme accompli, pour moi, c'était Étienne. Je n'ai pas osé le lui dire, ni lui parler d'un autre livre, moins connu et qui m'a frappé cet été-là. Il s'appelle « Le livre de Pierre ». C'est un long entretien de Louise Lambrich avec Pierre Cazenave, un psychanalyste qui a souffert pendant 15 ans d'un cancer et qui en est mort avant que son livre paraisse. Il ne se définissait pas comme ayant un cancer, mais comme cancéreux. « Quand on m'a annoncé mon cancer, dit-il, j'ai compris que je l'avais toujours eu. C'était mon identité. psychanalyste et cancéreux, il est devenu psychanalyste pour cancéreux, en partant de l'intuition personnelle et intime, mais vérifié avec la plupart de ses patients que la pire des souffrances, c'est celle qu'on ne peut partager. Et le malade cancéreux, le plus souvent, éprouve doublement cette souffrance. Doublement parce que, malade, il ne peut partager avec son entourage l'angoisse qu'il ressent, et parce que sous cette souffrance en gît une autre, plus ancienne, datant de l'enfance, et qui, elle non plus, n'a jamais été partagée, jamais été vue par personne. Or, c'est cela le pire pour quelqu'un. N'avoir jamais été vu, n'avoir jamais été reconnu. C'est à cela que sert la cure des cancéreux. À voir et reconnaître cette souffrance, à faire que d'elle au moins le patient guérisse. Son client, c'est le malade qui accueille sa maladie non comme une catastrophe accidentelle, mais comme une vérité qui le concerne intimement, une conséquence obscure de son histoire, l'expression ultime de son malheur et de son désarroi face à la vie. Pour qui a toujours eu le sentiment d'exister, l'annonce de la mort est triste, cruelle, injuste, mais on peut l'intégrer à l'ordre des choses. Mais pour qui, au fond de lui, a toujours eu l'impression de ne pas exister vraiment, de n'avoir pas vécu, à celui-ci, le psychanalyste propose de transformer la maladie et même l'approche de la mort en une chance ultime d'exister vraiment. Il cite cette phrase mystérieuse, déchirante de Céline. C'est peut-être ça qu'on cherche à travers la vie. Rien que ça. Le plus grand chagrin possible pour devenir soi-même avant de mourir. Dans le tableau clinique que décrit Pierre Cazenave, je reconnais quelqu'un qui n'était pas cancéreux, qui, c'est horrible à dire, n'a pas eu cette chance, et qui s'est inventé un cancer parce qu'il savait obscurément que c'était sa vérité, parce qu'obscurément il aspirait à ce que cette vérité soit reconnue par ses cellules. Comme elle ne l'a pas été, il n'a pas eu d'autres ressources que le mensonge. Ce quelqu'un, c'est Jean-Claude Roman. J'y reconnais aussi une part de moi-même, celle qui s'est reconnue en Roman. Mais moi j'ai eu de la chance, j'ai pu faire des livres de mon mal plutôt que des métastases ou des mensonges. J'y reconnais enfin quelque chose d'Étienne, qui faisait d'horribles cauchemars, qui a pissé tard au lit, qui est persuadé que son père a été violé enfant. Alors, bien sûr, je ne crois pas que tous les cancers s'expliquent ainsi. Mais je crois qu'il y a des gens dont le noyau est fissuré pratiquement depuis l'origine, qui, malgré tous leurs efforts, leur courage, leur bonne volonté, ne peuvent pas vivre vraiment, et qu'une des façons dont la vie, qui veut vivre, se ferait un chemin en eux, cela peut être la maladie, et pas n'importe quelle maladie, le cancer. C'est parce que je crois cela que je suis tellement choqué par les gens qui vous disent qu'on est libre, que le bonheur se décide, que c'est un choix moral. Les professeurs d'allégresse, pour qui la tristesse est une faute de goût, la dépression une marque de paresse, la mélancolie un péché. Je suis d'accord, c'est un péché, c'est même le péché mortel. Mais il y a des gens qui naissent pécheurs, qui naissent damnés, et que tous leurs efforts, tout leur courage, toute leur bonne volonté n'arracheront pas à leurs conditions. Entre les gens qui ont un noyau fissuré et les autres, c'est comme entre les pauvres et les riches. C'est comme la lutte des classes. On sait qu'il y a des pauvres qui s'en sortent, mais la plupart, non, ne s'en sortent pas. Et dire à un mélancolique que le bonheur est une décision, c'est comme dire à un affamé qu'il n'a qu'à manger de la brioche. Alors, que la maladie mortelle et la mort puissent être pour ces gens-là une chance de vivre enfin, comme l'affirme Pierre Cazenave, je le crois. Et je le crois d'autant plus que, s'il faut tout avouer, à certains moments de ma vie, j'ai été assez malheureux pour y aspirer. Je pense, écrivant ceci, en être très loin désormais. Je pense même, si présomptueux qu'il soit de le dire, être guéri. Mais je veux me rappeler. Je veux me rappeler celui que j'ai été et que sont beaucoup d'autres. Je ne veux pas redevenir, mais je ne veux pas non plus oublier ni traiter de haut celui que le renard dévorait et qui a commencé, il y a 3 ans, à écrire ce récit. Le Poisson Scorpion, le livre de Nicolas Bouvier que je lisais à Ceylan, se termine lui aussi sur une phrase de Céline. La voici. La pire défaite en tout, c'est d'oublier. Et surtout ce qui vous a fait crever. À sa sortie de l'ENM, Étienne a fait deux choix. Celui d'adhérer au syndicat de la magistrature et celui d'un poste difficile, juge d'application des peines à Béthune. J'essaie de l'imaginer, ce jeune juge qui clopine sur les trottoirs de Béthune. Il n'y habite pas, il ne faut pas exagérer. Il a pris un appartement à Lille. Il y a ses livres, ses disques. Le soir, il retire sa prothèse et se couche seul dans son lit. Toujours seul. Les traitements, la dégradation physique, la perte des cheveux et des poils ont mis à rude épreuve sa libido. Il va mieux maintenant. Ses cheveux ont repoussé, il a de l'esprit. On peut dire que c'est un homme séduisant, mais on ne peut pas dire honnêtement que ce n'est pas un problème dans la vie et avec les femmes d'être unijambiste. Celle qu'il acceptera parce que c'est comme ça, celle qu'il aurait aimé avec deux jambes, mais qui va le rencontrer et l'aimer avec une seule, il ne la connaît pas encore. Pressent-il que cela va venir, que quelque chose va basculer et rendre possible l'amour, la confiance? Ou bien désespère-t-il? Il ne désespère pas, non. Même au fond du trou, il n'a jamais vraiment désespéré. Il a toujours gardé cet élémentaire appétit d'exister qui, à la sortie de ses cauchemardesques sessions de chimiothérapie, lui faisait pousser la porte du café en face de l'Institut Curie, s'accouder au comptoir et commander un énorme sandwich au saucisson qu'il dévorait en se disant que, tout de même, c'était bien de vivre et de vivre dans la peau d'Étienne Rigal. Il n'empêche qu'il est prisonnier de ce que les psychiatres appellent un « double bind », une double contrainte qui le fait perdre sur les deux tableaux. Pile tu gagnes, face je perds. Être rejeté parce qu'on n'a qu'une jambe, c'est dur. Être désiré pour la même raison, c'est pire. La première fois qu'une fille m'a fait comprendre qu'elle ne voulait pas coucher avec moi à cause de ça, je l'ai pris dans la gueule. Mais il m'est arrivé d'entendre une autre fille dire devant un tas de gens « ça m'exciterait de coucher avec Étienne à cause de sa jambe de bois » et je t'assure, c'était plus difficile encore à encaisser. Pourtant, faut apprendre à l'encaisser aussi. Une chose qui m'a aidé, c'est que, vers la fin de ce long désert sexuel, j'ai eu une liaison avec une fille qui avait été violée dans son enfance par son père, et plus tard dans son adolescence par deux inconnus. Elle était complètement terrorisée par le sexe. Moi aussi, à l'époque, j'étais terrorisé par le sexe. On était tous les deux terrorisés, c'est sans doute pour ça qu'on s'est retrouvés ensemble au lit. On a fait ce qu'on a pu pour avoir moins peur et ça a été extraordinaire. Sexuellement extraordinaire, je t'assure, incroyable de tendresse et d'abandon. Une des grandes expériences de ma vie. Je l'ai souvent raconté dans mon cabinet de juge, à des femmes violées ou à des garçons d'ailleurs. Je leur disais, c'est vrai, ce qui vous est arrivé, ça pèse sur la sexualité, c'est un traumatisme terrible, un handicap. Mais il faut que vous sachiez qu'il existe des gens à qui ce handicap, chez vous, fera un bien fou. Et si vous l'acceptez, ça vous en fera aussi. C'était ma seconde visite. Étienne a téléphoné à sa femme pour lui proposer de nous rejoindre au restaurant italien où il m'avait déjà emmené la première fois. Je n'avais fait que croiser Nathalie à l'enterrement de Juliette. Je me demandais avec un peu d'inquiétude ce qu'elle pouvait penser de l'entreprise bizarre dans laquelle son mari et moi nous étions embarqués. Mais dès qu'elle s'est assise sur la banquette à côté de lui, blonde, décidée, rieuse, cette inquiétude s'est dissipée. Et ils ont pris un plaisir manifeste à me raconter à deux voix ce que dans leur mythologie personnelle ils appellent le quart d'heure américain, expression que je ne connaissais pas et qui désigne le moment où, dans une fête, les filles prennent l'initiative de la drague. On est à l'automne 1994. Étienne achève son analyse. Bien que rien n'ait changé objectivement, il estime que quelque chose s'est ouvert en lui, que la balle est maintenant dans le camp de la vie. Son analyste l'approuve et ils s'acheminent ensemble vers une séance dont ils décident ensemble qu'elle sera la dernière. Étienne reprend à la gare du Nord le train pour Lille où, en fin d'après-midi, il donne son premier cours à un groupe de très jeunes avocats. Nathalie fait partie de ce groupe qui se rassemble ensuite au café pour discuter. Certains ont adoré Étienne, d'autres l'ont détesté. Elle l'a adoré. Elle l'a trouvé brillant, original, iconoclaste. La douceur de sa voix l'a émue. Elle devine derrière son humour une richesse d'expérience, un mystère qui la fascine. Elle fait son enquête, apprend où il habite et qu'il habite seul, se promène seule, va seule acheter des livres à la Fnac. Il lui plaît de plus en plus. Elle l'invite à une soirée, il n'y vient pas. Le cours prend fin, c'était un cycle bref, quelques séances seulement. Alors elle va le voir au tribunal et lui explique que les étudiants restés sur leur faim en voudraient au moins une de plus. Ce n'est pas vrai, mais elle rameutera une dizaine de copains pour faire de la figuration lors de cette séance supplémentaire qui a lieu chez Étienne, très informellement. À la fin, les figurants s'éclipsent. Nathalie, elle, s'attarde et lui propose d'aller au cinéma. Au bout de 10 minutes, elle l'embrasse. Ils finissent l'après-midi chez lui. Elle reste la nuit. Étienne comprend qu'il est en train de lui arriver quelque chose d'énorme et prend peur. Il était prévu qu'il parte le lendemain pour une semaine de vacances à Lyon chez une amie. Et pensant se calmer, prendre du recul, il part. Il reste chez son ami une nuit, au cours de laquelle il comprend que non seulement il est tombé amoureux, mais que cet amour est confiant, partagé, certain, qu'il va construire toute sa vie dessus. Le matin, il appelle Nathalie. « Je rentre. Est-ce que tu veux qu'on se retrouve chez moi? Est-ce que tu veux habiter avec moi ?» Elle débarque avec ses affaires. Ils ne se quitteront plus. Mais Étienne a autre chose à lui dire, qui est moins gai, bien qu'il n'ait pas fait de test depuis plusieurs années pour ne pas se plomber davantage le moral, il est à peu près sûr que la chimiothérapie l'a rendu stérile. Nathalie achète un livre du biologiste Jacques Testard sur les diverses techniques de procréation assistée. « Si aucune ne marche, conclut-elle, on adoptera. Avant, il faut tout de même refaire le test. » Elle décide, organise, il suit, émerveillé. Elle l'accompagne se branler à la banque du sperme. La semaine suivante, ils vont chercher les résultats. Quand l'interne ouvre la porte de la salle d'attente, elle sourit, en les voyant blottis l'un contre l'autre sur la banquette de Sky Noir, se tenant la main. « J'ai annoncé beaucoup de mauvaises nouvelles ces jours-ci, alors j'avais envie d'en annoncer une bonne. Vous pouvez avoir un enfant. » Le mois suivant, Nathalie est enceinte. Elle est du Nord, en a assez du Nord, et lui aussi. Par ailleurs, cela fait un moment qu'un de ses collègues pénalistes, avec l'air sagace de celui qui, pour vous, voit plus loin que vous, répète à Étienne qu'il est fait pour l'instance. Pourquoi ne pas poser ma candidature à ce poste qui se libère au tribunal d'instance de Vienne ? Vienne, c'est tout près de Lyon. Nathalie peut s'inscrire au barreau de Lyon, et puis il fera plus chaud qu'à Béthune. À mon avis, si un type aussi brillant qu'Étienne a choisi l'instance, la province, des affaires minuscules, c'est parce qu'il aimait mieux être le premier dans son village que courir le risque d'être le second ou le centième à Paris, aux Assises, dans l'arène. L'Évangile, la Haute-Se, le Yiking, invite d'une même voix à favoriser le petit. Mais quand des gens comme Étienne ou moi, qui nous ressemblons beaucoup là-dessus, adoptons ces stratégies d'humilité, c'est évidemment par goût inquiet et contrarié de la grandeur. Et je devine dans ces engagements une vanité d'auteur, un désir de reconnaissance appliqué à des objets dont il me faut avouer qu'ils me paraissent un peu dérisoires. Comme si la vanité d'auteur qui me tenaille, moi, s'appliquait à quelque chose d'incomparablement plus noble. C'était « D'autres vies que la mienne » d'Emmanuel Carrère, adaptation de François Cuel. Avec Vincent Schmitt, le narrateur, Frédéric Pierrot, Étienne, Pauline Moinjon, Aurélie, Sylvain Clément, Pierre Cazenave, Myriam Ajar, Nathalie. Prise de son, montage et mixage, Manuel Couturier et Bastien Varigaud. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, François Christophe. D'autres vies que la mienne est paru aux éditions POL.